Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue à cette édition. Nous sommes le 21 avril 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la coalition Amizero Yabarundi nourrit beaucoup d'espoir que le prochain sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, prévu le 10 mai prochain, pourra faire avancer significativement le processus de paix enclenché à Arusha pour résoudre la crise burundaise. Agathon Rwasa leur demande de convaincre leur homologue burundais à faire le premier pas comme un père de famille. Et puis la direction de l'Université du Burundi menace de rayer de la liste des étudiants tous ceux en grève qui ne se présenteront pas aux auditoires lundi prochain. C'est un communiqué de l'université publié ce vendredi. Un homme habitant la colline Rusebga, commune et province Rumongue, est dans la main de la police judiciaire de la place. Depuis ce mercredi, l'administration locale l'accuse d'avoir violé sa fille. Notre correspondant nous en donnera les détails. Voilà pour quelques titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. La coalition Amizero Yabarundi salue l'initiative des chefs d'État de l'Afrique de l'Est qui prévoit un sommet sur le Burundi en date du 10 mai prochain. Le président de la dite coalition garde l'espoir que ce sommet pourra contribuer dans l'avancement du processus de paix d'Arusha entre les protagonistes burundais. Suivez le député Agathon Rwasa, il est président de la coalition Amizero Yabarundi. C'est une bonne initiative que je salue, surtout que par rapport au passé récent, on aura vu que les Burundais se sentent déchirés et on n'arrive pas à s'asseoir ensemble. Mais grâce à l'intervention de la sous-région et de la communauté internationale, il y a eu quand même quelques avancées. Un processus de dialogue a été lancé et des conclusions sous forme d'accord ont été atteintes. Malheureusement, l'application de ces différents accords n'a pas été vraiment à la hauteur parce que les spéculations ont primé sur la volonté de bâtir un Burundi paisible et un Burundi pour tous. Maintenant que la crise prévaut depuis quelques années, quand bien même certains ne le reconnaissent pas, il est temps que ces chefs d'État, puisque si la maison du voisin brûle ou risque de brûler, vous ne pouvez pas rester tranquille parce que, en définitive, les retombées pourraient être néfastes pour vous-même. Ces chefs d'État, ils pourront peut-être aider et je voudrais les exhorter, surtout à convaincre leurs homologues qu'ils doivent faire le premier pas. Après tout, dans une famille, s'il y a des querelles, le chef de la famille ne peut pas regarder ailleurs et faire semblant de ne pas être préoccupé. Plutôt, il doit assumer sa responsabilité et aider les gens à se rencontrer et à trouver des solutions à leurs différends. Et pour le cas d'espèce, au Burundi, il y a eu des gens qui ont fui le pays. Il y a toujours des disparitions, des assassinats et on ne parvient pas à démêler le mystère. Tout ça, ça inquiète, ça préoccupe. Peut-être que, à l'occasion, si les Burundais y vont avec toute la détermination à résoudre leur conflit, je pense qu'on pourra quand même bénéficier des apports des uns et des autres comme cela a été par le passé et on pourra alors se préparer aux nouvelles échéances en toute tranquillité. C'était Agathon Rwasa. Et le parti Radebou estime que lors du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu le 10 mai prochain, il a mis en avant le soutien du Burundi dans son processus de révision de la constitution et de rapatrier les réfugiés. Jean de Dieu Moutabazi trouve que le sommet devrait rappeler à un des pays voisins de ne pas rappeler à un des pays voisins de ne pas s'immiscer dans les affaires burundaises. Ce responsable précise qu'un accord au mois de juin est possible moyennant le respect de la souveraineté burundaise. Twebwe rero ico twiteze yuko abo bakuru b'ibihugu nuko bazoshigikira ama. Voilà, vous voudrez bien nous excuser, l'élément vient en langue nationale alors que l'élément devrait venir en langue française. Suivez maintenant Jean de Dieu Moutabazi, il parle au nom du parti Radebou. Nous attendons de ce sommet que le Burundi puisse participer, l'État burundais soit représenté et qu'il présente la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de la sécurité parce que on remarque aujourd'hui qu'il y a une véritable sécurité, une véritable paix par rapport à la situation qui avait prévalu dans les années 2014-15 où il y avait les tentatives de coup d'État, l'instabilité due au mouvement insurrectionnel. Nous attendons à ce que le gouvernement puisse présenter la réalité qui prévaut sur terrain au niveau des droits droits de l'homme. Ce que nous attendons aussi de ce sommet, c'est que ce sommet puisse soutenir le gouvernement du Burundi dans son processus de révision de la Constitution. Nous attendons de ce sommet qu'il puisse soutenir le Burundi dans le renforcement de sa souveraineté et le renforcement du processus démocratique. Mais également, nous attendons à ce que le sommet puisse exiger du Rwanda de ne plus s'immiscer dans les affaires politiques intérieures du Burundi. Au mois de décembre dernier, le facilitateur Mkapa a annoncé un accord possible au mois de juin pour en finir avec la crise burundaise. Êtes-vous optimiste au partir à debout? On souhaiterait signer un document dans le sens de renforcer la paix et la sécurité au Burundi, dans le sens de réviser ensemble une constitution qui est actualisée, une constitution qui répond aux doléances de la population burundaise telle que cela a été recommandé par les discussions qui ont été organisées avec la CNDI. Nous attendons que un document puisse être signé dans le sens des avancées qui sont remarquables aujourd'hui ici au Burundi. On souhaiterait que le processus de dialogue interne autour de la CNDI et le processus de dialogue externe à Arusha autour du Facilité Mkapa, les deux processus puissent se terminer en même temps pour que leurs recommandations puissent être traduites dans la réalité et dans les faits, en particulier avec les processus de révision de la Constitution et le processus de vérité et réconciliation. Pour nous, s'il y a une convention ou un accord ou un pacte qu'on pourrait signer qui va dans le sens des avancées qui sont visibles sur terrain aujourd'hui, rien ne peut nous empêcher à ce qu'on puisse signer ce document. Mais nous ne soutenons pas que le processus de dialogue à l'extérieur puisse se prolonger au-delà du mois de mai ou juin. Jean de Dieu Mutabazi, c'est le président du parti Radebout. Il est 13h02 à Bujumbura. La police burundaise est régie par une nouvelle loi organique depuis le 20 février de cette année. Dans une séance d'information au public ce vendredi, l'inspecteur général de la police, André Ndayambagé, a déclaré qu'il a fallu adapter celle qui existait à la Constitution de 2005, car elle était antérieure à cette loi fondamentale promulguée le 18 mars de cette année de 2005. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Charles Makoto. La révision de la loi numéro 1/023 portant création, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale a été motivée par des raisons principales qui suivent. Premièrement, la conformité à la Constitution de la République. La loi numéro 1/023 qui régissait la police nationale du Burundi était antérieure à la Constitution de la République qui a été promulguée le 18 mars 2005. La loi numéro 1/023 qui régissait la police nationale du Burundi était une loi ordinaire, alors que la Constitution de la République prévoit des lois organiques pour les corps de défense et de sécurité. Deuxièmement, la prise en compte de la philosophie de la police de proximité qui a été érigée en modèle de prévention de la criminalité et de protection de la population. Troisièmement, la réorganisation des structures de la police nationale du Burundi de sorte qu'elle puisse faire face à toute forme de criminalité et à la criminalité émergente. Quatrièmement, l'harmonisation de la police nationale du Burundi avec les autres corps de police des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était l'inspecteur général de la police, André Ndayambagé. Une dizaine de personnes qualifiées par le porte-parole de la police de malfaiteurs appartenant au groupe de bandits armés opérant de l'autre côté de la RDC sont détenues dans différents cachots de la police après s'être rendues appréhendées par les forces de l'ordre et de sécurité. Pierre Mourikié l'a dit ce vendredi après la présentation de deux individus arrêtés par la police dans la province de Bubanza. Suivez-le. Après les différents cas de criminalité qui ont été constatés au niveau de la frontière du Burundi avec la République démocratique du Congo, notamment les cas de vol à main armée, suivi d'enlèvement où les personnes enlevées servaient aussi de transporter des biens qui étaient volés, et les forces de l'ordre ont fait face à ces actes de criminalité, ont déjà appréhendé certains auteurs, d'autres se sont rendus tout simplement. Et les forces de sécurité ont également saisi des armes à feu, à l'instar des fusils qu'on vient de vous montrer. Et la traque continue pour mettre fin définitivement à ce phénomène de criminalité au niveau de cet endroit. Et le défi, c'est que ces criminels, lorsqu'ils commettent ces forfaits, des fois ils traversent la frontière et vont en République démocratique du Congo, et ce qui limite l'action de poursuite. Mais avec la bonne collaboration des forces de l'ordre de l'autre côté, et on finira par mettre fin définitivement à ce phénomène. Nous voudrions aussi porter à la connaissance qu'après l'attaque du bus, qui transportait les passagers de Bujumbura à Gatumba, où les criminels voulaient voler. L'attaque dans laquelle aussi trois personnes ont été enlevées, dont un prêtre de Gatumba. La police a eu des informations comme quoi ces gens-là sont toujours en vie et se trouvent de l'autre côté. L'enquête continue pour pouvoir récupérer ces personnes et arrêter les auteurs de ces actes criminels. D'après les informations détenues par la police, ces criminels qui détiennent ces trois personnes appellent souvent ici au Burundi pour réclamer des rançons. À l'état actuel des choses, la situation se présente de cette manière. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole de la police nationale. Les Burundais devraient rompre avec l'esprit de recourir à la justice populaire. Le psychologue Pierre Claver Ndjejimana l'a dit au moment où il s'observe une recrudescence des cas de justice populaire depuis un certain temps dans différentes localités du pays. Au lieu de recourir à la justice, à l'administration ou à d'autres instances publiques habilitées, il appelle ainsi la population à cesser de ce genre de comportement et recommande aux instances administratives, judiciaires et policières de réprimer ces actes. Suivez Pierre Claver Ndjejimana. L'explication que je pourrais donner à cet état de choses, c'est que notre pays est en train de connaître ce qu'on appelle une transgression des mœurs. Donc, au départ, on recevait une éducation à la base, à la maison, et on enseignait aux enfants les interdits. Il était interdit, par exemple, de tuer une lézard, parce que c'était menacé que la maman va perdre une partie de son corps. Il était interdit, par exemple, de tuer un kéré ou un crapaud, parce qu'on disait, vous tuez le grand-père. Mais maintenant, à analyser vraiment le phénomène qui s'observe actuellement, les gens n'ont pas un modèle d'identification. L'éducation à la base va dégringoler. Les gens grandissent sans intercaler les interdits sociaux et bonjour à une justice populaire. Et cette justice populaire, en fait, a des répercussions, des conséquences néfastes sur le développement de la société, étant donné que, en fait, si une personne a commis un délit et que les structures habilitées ne viennent pas pour faire face à ça, les gens vont se faire une justice et il y a des gens qui vont mourir gratuitement. Par exemple, une personne qui a volé un régime de bananes ne devait pas être sanctionnée par la mort. Une personne qui a été attrapée en train de toucher dans le pot de la nourriture, il ne devait pas être sanctionné par la tuerie. C'est pour cette raison que les auteurs de ces crimes devraient être comparus devant les juridictions compétentes pour être jugés et pour éradiquer ce fléau. Sinon, si je n'ai fait, en fait, notre société risque de connaître des problèmes. Donc, que les structures habilitées agissent, mais aussi que la population comprenne qu'il y a des interdits. En fait, la population, à la base, devrait comprendre que, d'abord, la vie est quelque chose de sacré qu'il faut respecter et qu'il faut vraiment ne pas infliger la mort à la personne parce que c'est pas la personne qui a créé l'homme, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Celui qui tue aujourd'hui, lui aussi va mourir demain. C'était le psychologue Pierre Claver Ndjejimana au micro de Léonce Huitariho. Et pour nous parler qu'un certain nombre de cas, il y a environ 2 semaines, un jeune homme a tué son père en commune Ngozi, l'accusant d'avoir mangé sa nourriture. Un enfant qui réclamait son argent mercredi de la semaine en cours a été tué par son parent, ici toujours en province de Ngozi. Une marâtre a brûlé son enfant en province de Kirundo et dans la province de Bujumbura. Un homme accusé de vol d'un régime de bananes a été lynché par la population. Et un garçon d'une dizaine d'années a été admis à l'hôpital de référence de Muyinga depuis hier jeudi suite aux brûlures au bras dont l'auteur est son père de la colline Djani en commune Gasorwe. Ce dernier est au cachot de la police à Gasorwe pour enquête. Et je vous l'avais dit dans les titres, un homme habitant la colline Moussebga en commune et province Rumonge dans les mains de la police judiciaire de la place. Depuis ce mercredi, l'administration locale l'accuse d'avoir violé sa fille. Pour certains psychologues, cet homme devrait d'abord subir une écoute psychologique. Les précisions de notre correspondant Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Vous voudrez bien m'excuser pour cet élément qui vient encore une fois en Kirundi. À la technique, on cherche l'élément en français. On y est. Nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Arrêté par l'administration locale le matin de ce mercredi dans les enceintes de l'ex-église Assemblée de Dieu, sise sur la sous-colline Murogoye, selon Saben Homoka, chef collinaire de Vusebga. Selon ce chef collinaire, c'est en effet dans ces enceintes que cet homme s'était réfugié l'après-midi de ce mardi, après être attrapé par sa femme dans la chambre à coucher, avec leur fille aînée de 14 ans. Les voisins de la famille ne l'ont su qu'après avoir constaté que la femme de cet homme frappait méchamment sa fille et ont ensuite alerté l'administration locale le même après-midi. Dans un premier temps, précise Saben Homoka, la femme et sa fille ont nié l'incident avant de le reconnaître après, sans pour autant révéler où se cachait le chef de ménage. Aussitôt retrouvé le lendemain, le présumé auteur du crime a été remis à la police judiciaire pour la poursuite des enquêtes. Alors que certains habitants disent que ce n'est pas sa propre fille, Adrien Sindayevura, psychologue de Rumonge, dit que dès qu'il l'élève depuis son enfance, amené dans le dos par sa femme, elle les compte parmi ses enfants. Ainsi, poursuit son psychologue de Rumonge, s'il s'avère que l'acte a été consommé, cet homme devrait d'abord être conduit dans un centre neuropsychiatrique pour subir une écoute psychologique avant toute autre punition. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit, la direction de l'Université du Burundi lance un dernier avertissement aux étudiants grévistes en les invitant à reprendre le chemin des auditoires au plus tard le lundi 24 avril 2017. Tous les étudiants qui n'auront pas regagné les auditoires à la date indiquée se seront exclus eux-mêmes de l'année académique 2016-2017, selon un communiqué publié ce vendredi. Rappelons que ces étudiants protestent contre le décret présidentiel instaurant le système de pré-bourse dans le système de gestion de la bourse d'études et de stages. Et ceux de l'école normale supérieure viennent de décider de renoncer à leur mouvement de grève qui avait débuté le 24 mars dernier. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, l'Office burundais des recettes dément les informations selon lesquelles cet office publierait des chiffres fantaisistes des recettes. Le porte-parole de cette institution indique qu'il s'agit de rumeurs qui relèvent de l'ignorance. Jean Vouillet-Couré invite toute personne qui douterait de la véracité des réalisations de l'OBR d'aller vérifier car les portes sont ouvertes, précise-t-il. On l'écoute, il est au micro de Joseph Sabiyavandi. Les chiffres qui sont publiés par l'OBR, ce sont des chiffres corrects, fiable et vérifiable, non seulement par type de taxe ou d'impôt, mais également par centre de collecte des taxes. Nous les publions chaque fin du mois, car nous pensons que la transparence et la redevabilité sont très importants pour une administration fiscale moderne. Cela étant, l'OBR fait partie des forums régionaux et internationaux, comme le Forum des administrations fiscales en Afrique, qui utilise ces chiffres, encore que les données de l'OBER sont aussi transmises à la Cour des comptes. Une grande institution républicaine comme l'OBER ne peut pas se permettre de publier des chiffres qui ne sont pas corrects. Même le ministre des Finances ne peut pas croire à de faux chiffres de recettes collectées. Ceux qui doutent pourraient probablement s'approcher de la Banque centrale pour se rendre compte que les chiffres déclarés par l'OBER sont des chiffres vrais, corrects et vérifiables. De plus, je voudrais dire que l'OBER ne peut pas refuser le contrôle légal par l'inspection générale de l'État. L'OBER prône pour le respect de la loi, pour l'intérêt supérieur du pays. Il faudrait peut-être que l'IGE exerce le contrôle, l'audit dans les matières qui relèvent de sa compétence. Le contrôle technique fiscal échappe peut-être à sa compétence. Il faut alors que les institutions compétentes ou habilitées résolvent ce conflit de lois entre les lois fiscales, la loi sur la gestion des douanes de l'IAC et la loi sur les finances publiques, ainsi que le décret créant l'inspection générale de l'État. Les Français disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que parfois il y a des fumées sans feu, surtout dans ce domaine-là, concernant les chiffres fantaisistes non fiables de l'OBER. Franchement, le patron du PARSEM peut venir ici à l'OBER, on peut lui montrer comment nous travaillons, il peut voir la réalité, et je suis certain qu'au sortir de l'OBER, il ne pourra plus dire que l'OBER, timidement, donne des chiffres fantaisistes. Jean Vouillet-Couré, c'est le porte-parole de l'Office burundais des recettes. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental salue la récente mesure du ministère de l'enseignement d'interdire aux élèves ayant eu un échec en éducation de passer les tests nationaux. Le président du syndicat SINATEF dit que cette décision va permettre d'améliorer la conduite des élèves envers leurs éducateurs. Victor Ndawaniwe appelle les responsables des écoles privées à engager des encadreurs, puisque la plupart des fois, les élèves qui fréquentent ces établissements privés ont le maximum en éducation alors qu'ils se comportent mal parfois. Suivez. Cette mesure a été bien appréciée au niveau de notre organisation syndicale. Surtout que c'est une mesure qui vient pour répondre à certaines des préoccupations que nous avions. Par rapport à cette mesure, personne n'ignore que la dégradation des mœurs, des bonnes manières qui devraient caractériser la jeunesse burundaise était en disparition. D'où notre syndicat peut affirmer que la mise en place de cette correspondance va redresser certaines situations. Nous citerons entre autres le cas des écoliers qui ne respectent plus leurs éducateurs. Et il y a également constaté que, après avoir entamé la réforme de l'école fondamentale, il y a eu certaines sanctions qui ne sont plus appliquées aux élèves, surtout par le fait qu'ils se croient qui vont avancer sans le doubler depuis la 7e jusqu'à la 9e. Cela les a obligés à adopter un comportement irresponsable. Mais en grande partie, notre organisation syndicale ne va pas manquer de présenter ses inquiétudes. Et d'où ces inquiétudes sont généralement fondées au niveau des exécutants, ceux qui vont mettre en application cette mesure. C'est notamment les éducateurs. Et des fois, c'est au niveau des écoles privées. On constate que l'encadrement n'est pas de rigueur. Des élèves commettent des bavures, mais ils ne sont pas sanctionnés. Ils les laissent comme s'ils n'ont rien vu. Ce qui est étonnant, c'est que vers la fin de l'année, ces élèves ont le maximum de points en conduite, alors que le comportement qu'ils ont adopté tout au long de l'année méritait un échec considérable. D'où il s'avère nécessaire que les éducateurs, en premier lieu, sachent leur mission primordiale. Ils ont la mission essentielle de préparer le bon avenir de la jeunesse burundaise en leur procurant une éducation et une formation responsable. Victor Ndawaniwe, c'est le président du syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental. Et pour terminer ce journal, certains services sont actuellement paralysés à l'hôpital général de Manda en province Bubanza suite au manque de courant électrique et cela engendre de grandes pertes selon le directeur de cette structure sanitaire. À la régie des zones, on explique que le courant est actuellement de faible intensité et que l'on est contraint au délestage. Space Caritas Kabanyana. Les femmes qui mettent au monde des prématurés à cet hôpital général de Manda ou qui y sont transférées se lamentent qu'elles ne sont pas accueillies et qu'elles sont encore une fois retransférées vers d'autres hôpitaux de Bujumbura. Elles croient que les appareils de néonatologie appelés couveuses ne sont pas fonctionnels. De son côté, le directeur général de cet hôpital explique que les couveuses de cette structure sont bel et bien en bon état et fonctionnelles, mais qu'il y a seulement un problème de manque de courant électrique, puisque ces appareils ne peuvent pas fonctionner sans courant électrique. Aussi, des problèmes de conservation de sang, de réactifs, et de certains médicaments se font également remarquer. Un groupe électrogène qui pourrait aider consomme 25 litres de mazout par heure. Au seul mois de mars, on a utilisé 1800 litres de mazout pour plus de 3 millions de francs burundais, des dépenses énormes que l'hôpital ne peut pas supporter, selon Dr. M. Fabrice Nyonkulu, directeur de cet hôpital de Manda. À la régie des eaux, on explique que le courant électrique est actuellement de faible intensité et qu'on est contraint au système de délestage. Et c'est la même réponse qu'on a donnée au directeur de cet hôpital de Manda, comme il nous l'a révélé. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space, et c'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous voudrez bien nous excuser pour les quelques ratés entémaillés cette édition. Eric Ouimana à la technique, au micro Jean Bosco d'Ouimana. Un bon après-midi.